Alors que sa gouvernante vient chercher Camille, elle s'étonne que celle-ci lui confie un billet pour son fiancé. Le seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, miséricorde, serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Elle sort.